avec toutes tes deux moi. Sans un regard, reine de elle est passée à côté de moi. N'existais pas, je n'existais pas. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'existais pas.